Je suis bien sur la bonne autoroute et me dirige effectivement vers Nantes. Et je serais très bien placée si j'étais en train de dépasser une autre voiture. Ce n'est pas le cas. Je n'ai donc rien à faire dans cette voie centrale. La circulation est fluide. Ma place est donc à droite dans la voie désignée par cette flèche. Les deux autres voies sont réservées au dépassement. Je ne suis pas bien placée. Réponse B.